afin que vous ne disiez point « On n'a fait descendre le livre que sur deux peuples avant nous, et nous avons été inattentifs à les étudier ».